Le printemps est enfin arrivé et pour vous préparer pour la belle saison, le magasin Canadian Tire est fin prêt. Que ce soit pour les articles de piscine, tondeuse ou le centre du jardin qui ouvrira très bientôt, le magasin Canadian Tire a tout ce qu'il vous faut. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Adolbo-Mistassini, canadiantire.ca. Le magasin Canadian Tire tient à souligner le mois de l'arbre et de la forêt. La forêt, un des moteurs économiques de notre secteur. Le printemps est enfin arrivé et pour vous préparer pour la belle saison, le magasin Canadian Tire est fin prêt. Que ce soit pour les articles de piscine, tondeuse ou le centre du jardin qui ouvrira très bientôt, le magasin Canadian Tire a tout ce qu'il vous faut. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Adolbo-Mistassini, canadiantire.ca. Le magasin Canadian Tire tient à souligner le mois de l'arbre et de la forêt. La forêt, un des moteurs économiques de notre secteur. C'était le Focus Group cette semaine organisé par les gens qui veulent ramener des Expos Montréal avec en tête Steven Brofman. Et parallèlement, selon Jérémy Filosa du 98.5, il y avait des Focus Group à Portland également. Et les gens commencent à l'aimer beaucoup parce que quand je dis que Frédéric Deck va parler du retour des Expos, il y a plusieurs likes. On va parler avec Frédéric Deck. Salut Fred! Oui, bonjour Danny. Fred, les gens commencent à t'aimer. Ta crédibilité commence à se faire beaucoup, là, parce que... Quand on parle du retour des expos, les gens likent beaucoup. Écoute, c'est toi qui as écrit le plus sur le retour du baseball. Comment t'as trouvé ça cette semaine? Écoute, premièrement, tu as sûrement remarqué que j'étais pas tout seul sur le dossier. Là, cette semaine, il y a plusieurs journalistes à Montréal qui étaient intéressés d'entendre ce que les gens qui ont participé au Focus Group ont entendu, ont discuté. Martin Leclerc a écrit là-dessus dès mercredi matin à la suite des rencontres de mardi. Moi, j'avais une entrevue de prévu jeudi matin avec une personne qui a participé dans les derniers groupes. Là. Moi, j'ai parlé avec Perry G. Toi, t'as parlé avec Perry G. Bon, c'est ça. Moi, j'ai parlé avec quelqu'un qui était pas dans le groupe de Perry. Je présume que Perry était dans le groupe anglophone. Ouais. Moi, j'ai discuté avec une autre personne que Perry dans ce groupe-là puis une personne qui était dans le groupe précédent, dans le dernier groupe francophone de la semaine. OK. Et puis... ça a été fort intéressant de voir à quel point on est rendu dans le peaufinage. On est à peaufiner ce dont le stade aura l'air, où il sera situé. Je pense que c'est évident là, qu'il va se retrouver au bassin Peel, surtout avec l'unanimité de la réponse des gens qui souhaitent l'avoir sur le bord de l'eau. Tu sais, fait que c'est encourageant. Puis là, Jérémy Filosa, lui, de son côté, a appris par une personne qui était dans un autre groupe que la même compagnie, c'est-à-dire Conventions Sports and Leisures, la compagnie de Dallas, qui a été chargée de mener ces focus groups en collaboration avec Léger au Québec pour le volet francophone, ben ils vont faire le même exercice à Portland. Ouais. Alors là, tu comprends, là, ça se précise. Oui, c'est clair. Tu trouves ça quand même, c'est un drôle d'adon, hein? Dans quel sens? Parce que ces focus groupes-là ne sont pas organisés par le baseball majeur. Sauf que pourquoi qu'on fait ça à Montréal, pas à Portland, on fait pas ça à San Antonio, puis à Mexico? C'est pas innocent. C'est pas innocent. On s'en va... je sais pas si on s'en va vers une extension et que ces deux villes-là sont au premier rang, mais c'est évident là que c'est possiblement les deux villes où on est davantage prêts à accueillir une équipe du baseball majeur, que ce soit pour une relocalisation ou une expansion. OK. Dis-moi, moi, je suis déçu quand même d'une chose, puis j'en ai parlé avec Perry G hier, puis j'ai eu une bonne discussion avec Perry. Lui, Perry, il était... Puis ça, on en a parlé, puis j'étais convaincu d'être de mon bord. Perry, lui, hier, il était là, il dit, moi, un toit, j'en veux pas. Sauf que j'ai fait reconnaître... Vous autres, vous pensez à Montréal, hein? Mais nous autres, un gars des régions qui arrive à Montréal, qui a apparence depuis, pas sûr qu'il va se taper trois heures s'il a apparence depuis, s'il arrive à la limite, puis le match est annulé à cause de la pluie. Et Perry, ouais, là-dessus, Perry était bien d'accord. Oui, bien, autant je suis d'accord avec toi, autant à un moment donné, là, au Québec, on est les champions de l'apparence de pluie puis du probabilité d'averse, puis du facteur éolien pour pas sortir là, les terrains de golf, puis les stations de ski au Québec, là, rage contre Météo Média puis les autres services météorologiques là, qui disent arrêtez de dire qu'il va faire qu'il y a 40% de probabilité d'averse, c'est tout ce que le monde retient, mais 40% ça veut dire qu'il y a 60% de faire beau. Et puis c'est-tu des orages pendant 4 heures de temps qu'il va y avoir ou ben il va pleuvoir pendant la troisième manche puis c'est tout, tu sais. Fait que ça je les comprends là-dessus. Écoute, moi, ce qu'on m'a expliqué à ce sujet-là, parce que ça m'a surpris quand j'ai lu ça dans l'article de Martin Leclerc mercredi, ça m'a surpris cette réponse-là. Puis de ce que je comprends, c'était presque unanime parmi les quelques 115 répondants. Là. Tu sais, moi, ce que un de mes interlocuteurs m'a dit, c'est que, écoute, les personnes qui ont été retenues, là, les 100 personnes qui ont été retenues sur les quelques 1400 qui ont déposé leur candidature là, pour assister à ces groupes de discussion. Lui m'a dit, on a retenu là, dans mon groupe en tout cas, c'était 15 partisans durs et durs de balle, que si on a des billets tel jour, on se présente au stade, puis si c'est remis, on reviendra une autre journée. Mais il m'a aussi dit, j'admets que pour quelqu'un qui a prévu une journée au stade avec sa petite famille, puis qu'il a pas l'air à faire beau, puis ou quelqu'un qui vient de l'extérieur, peut-être que ces gens-là vont décider de faire autre chose. C'est ça, mais j'ai... ça écoute, j'expliquais à Perry G. C'est comme ça partout, là. Ouais, j'expliquais à Perry G. J'ai dit, Perry, là, toi, là, il va faire moins 20, il ferait moins 25, ben, il y aurait 30 cm de neige, puis tu serais au stade pareil. Mais c'est pas le commun des mortels qui ferait ça, là. Non, exactement. Moi, puis par contre, quand on a, parce que ce sont des réponses qui ont surpris aussi les gens de CFL, là, la compagnie texane. Et eux autres sont revenus à la charge en disant « OK, mais vous en voulez pas pantoute. » Puis là, le compromis que ces gens-là étaient à faire, c'était qu'il n'y ait absolument aucune... que ça vienne pas nuire à l'architecture, au look du stade et que ça empêche pas les gens de voir, mettons, le centre-ville ou le... Tu sais, que ça diminue pas l'expérience. Puis l'autre affaire que ces gens-là ont répondu aussi, c'est qu'on l'a vu à Toronto, hein, dans les séries, même quand il faisait beau, au début d'octobre à Toronto, les autorités du baseball majeur exigeaient que le stade soit, que le match soit disputé à toit fermé pour garantir une uniformité de l'expérience pour les joueurs. Tu sais, que les conditions changent pas de la première à la huitième manche, mettons. Tu sais, première à neuvième, on s'entend. Tu sais, que ça soit égal tout le long du match. Et ça, c'est quelque chose que les gens ont retenu. Et qui se disent, là, si on a un stade, ça veut dire que si on va en série, on va être obligé de le fermer tout le temps, puis c'est pas ça qu'on veut. Ouais. Tous ces gens-là ont dit, le baseball, ça se joue dehors, ça nous prend un stade à ciel ouvert. Ben, regarde, j'ai... Bon, là, allé, on verra ce qui va être retenu, là. Fred, je suis allé aux États-Unis, puis ça, j'expliquais à Perry hier, un match à Cleveland, à Détroit, ou à Pittsburgh, au centre-ville, puis un match dans le bol de toilette, c'est qui je parle, le bol de toilette, là? Les gens se posent c'est deux affaires complètement différentes là. Sauf que quelque part faut vivre dans la réalité du Québec. Je comprends les gens qui veulent aller dehors, puis ça, c'est tout à fait normal. On a à peu près 3 mois d'été. À ce sujet-là, juste avant qu'on change, là, les gens préféraient qu'on se concentre sur des technologies de sièges et de planchers chauffants pour qu'il y ait une chaleur radiante qui se dégage dans le stade au lieu d'y aller avec un toit. Ça n'empêche pas la pluie. Ouais, mais ça n'empêche pas la pluie là. Ça n'empêche pas la pluie, mais gars, il y a plusieurs stades de soccer aussi que la majorité des estrades sont couvertes par une espèce de demi-toit, si on peut dire. Oui, comme à Milwaukee. Bon, alors, tu sais, pourquoi cette technologie-là ne pourrait pas être employée au baseball? Bon, là, ça sera à la firme d'architectes Populus de Kansas City d'arriver avec des solutions. Trois choses, Fred, que je veux te parler. D'abord, moi, ce que j'ai appris, et Perry G me l'a confirmé, c'est important que la clientèle soit jeune, et semble-t-il que Perry, j'ai 51 ans, j'étais un des plus vieux. Ça, c'est encourageant. Oui, puis moi, ce qu'on m'a dit aussi, c'est que ça a été une crainte formulée par plusieurs intervenants que le projet mette trop de temps à se réaliser, puis que là, on arriverait dans une espèce de trou intergénérationnel où là, les gens peut-être âgés de 35 à 50 ans qui ont vécu le baseball à Montréal et qui sont intéressés de revivre cette expérience-là, qui veulent devenir des clients payeurs maintenant, pour donner ça un peu, transmettre cet amour-là du baseball à leurs enfants, que leurs enfants soient rendus trop vieux si le projet met 10 ans, mettons, à se réaliser, puis que là, il n'y ait plus de lien possible puis qu'il n'y ait pas de culture baseball qui soit installée. Mm. Bon, ça, avec le taux de croissance qu'on voit chez dans les inscriptions à Baseball Québec, j'ai de la misère à acheter cet argument-là, mais je le comprends. Ces gens-là, eux autres, évidemment, là, on parle toujours de 100 passionnés de baseball qui ont envie que ça revienne le plus tôt possible. Puis, d'un point de vue partisan, je le comprends, ça, parce que moi, j'ai pas envie que ça prenne encore 7, 8 ans, 10 ans avant que ça arrive. J'ai peur que le buzz s'essouffle. Fait que, tu sais, ça sera pas le temps dans 10 ans de repartir un buzz avec une équipe. C'est le temps de partir le buzz-là quand on n'a pas d'équipe, que l'équipe s'en vienne. Puis que là, tout le monde ait le goût d'embarquer dans le projet. Dis-toi que la convention collective a été signée pour 5 ans. Ouais, mais ajouter une équipe, t'es pas obligé d'attendre entre deux conventions collectives. Ouais. Les expansions puis les relocalisations dans le passé, ça s'est pas fait au renouvellement de convention. Là. Ça, c'est ça n'a rien à voir. Il y a des dispositions qui permettent d'ajouter, d'enlever, de déplacer des clubs dans la convention actuelle. Ouais. Deuxième affaire que j'ai remarqué, puis ça, j'aime ça. Un stade pas plus que 40 000 spectateurs, je m'explique, le but c'est de créer la rareté du billet. Moi je trouve ça... C'est pas juste ça, c'est ouais, okay. Ça sera pas 40 000, ça va être 35 000 spectateurs, 35 000, le nombre okay. de sièges maximum. Là. C'est pas juste pour créer une rareté du billet, c'est pour un moment donné, il faut être réaliste, là. On n'a pas le marché pour avoir des foules de 43 000 personnes, je sais pas moi, 40 fois sur 80 là. Fait que c'est, oui, ça, il va avoir une rareté du billet les premières saisons, mais je pense que c'est aussi un stade aux dimensions réalistes dans le marché montréalais. Regarde, j'ai pas les chiffres exacts devant moi, mais si tu compares avec des marchés comparables, Milwaukee, c'est un très gros stade pour le marché de Milwaukee. Il y a plus que 43 000 personnes, je pense, qui rentrent là-dedans. Bon, puis là, je veux pas dire de niaiserie, mais parce qu'on va me le reprocher après. Comme je te dis, j'ai pas les chiffres, mais je serais curieux de voir les stades... À Minnesota. Camden Yards, c'est 42 000. Camden Yards, c'est quand même... C'est quand même 42, là, ça serait gros à Montréal. Oui, mais Camden Yards, c'est Baltimore, y a-tu déjà été? Je sais pas si y a été, mais c'est très petit comme ville. Là. Je suis allé l'année passée, puis c'est très ordinaire là, comme ville. Là. Bon, ben alors, vois-tu, fait qu'en tout cas, moi, je pense qu'à 35 000, là, on vise dans le 1000, puis moi, je suis convaincu, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, mettons que le stade est bâti à 35 000, on va peut-être prévoir des structures, des infrastructures puis des endroits dans le stade où on pourra rajouter peut-être un 2-3 000 sièges plus tard si on se rend compte que la demande ne s'essouffle pas puis qu'on a toujours besoin de plus de billets. Tu sais, si les expos attirent en moyenne 34 500 spectateurs après 7-8 ans, je pense qu'ils vont agrandir le stade, moi. Okay. Pas de 10 000 places, mais peut-être un 2-3 000 ici et là. Mais le but, c'est de créer la rareté. Hey, ce matin, Stephen Brofman était à TVA Sport, à l'émission Destination Coupe Stanley, et il a mentionné que le commissaire était au courant de tout ce qui se passait. Ben absolument. Le chaque démarche qui est entreprise par le groupe de Brofman maintenant fait partie de discussions au bureau du commissaire. Et puis c'est certain, absolument garanti qu'il est au courant de tous les développements et de tout ce que le groupe de Montréal fait dans le cadre du baseball, c'est certain. OK, on va faire une pause et je te reviens dans quelques instants. En fait, parce que tu étais à Punching Grace, l'émission sur Internet qui est enregistrée lundi, tu étais au Stade Saputo, puis je veux te parler de l'Impact. Je sais que tu couvres pas l'Impact, mais tu étais là quand même, puis tu suis ça à distance, mais... Donc, on va faire une pause. Donc, vous êtes à l'écoute d'une entrevue avec Frédéric Degg sur les ondes de DenRadioSport.com. Le printemps est enfin arrivé et pour vous préparer pour la belle saison, le magasin Canadian Tire est fin prêt. Que ce soit pour les articles de piscine, tondeuse ou le centre du jardin qui ouvrira très bientôt, le magasin Canadian Tire a tout ce qu'il vous faut. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini. CanadianTire.ca. Le magasin Canadian Tire tient à souligner le mois de l'arbre et de la forêt. La forêt, un des moteurs économiques de notre secteur. Dolbeau Auto a décidé de souligner le mois de l'arbre et de la forêt en vous proposant le Silverado 1500 édition 4x4 à seulement $175 aux deux semaines, à 1,5% de location pendant 48 mois ou obtenez $11,000 sur certains camions. Dolbeau Auto, 1770 boulevard Wahlberg, au téléphone 418 276 0580. On est de retour à danradiosport.com avec Frédéric Deck. Fred, je t'ai gardé quelques minutes de plus parce que je veux te parler de l'Impact de Montréal. Je sais que tu couvres pas l'Impact, par contre, parce que t'es l'émission Patching Grace qui est sur Internet, que j'invite les gens à l'écouter, très très bon, avec Tony Marinaro, Jonathan Gay, Jérémy Flouza et toi. Vous êtes ici, vous avez enregistré l'émission du Stade Saputo, donc t'étais là lundi. Là, après, la puis ça, il y en a été question dans le débat. Après le match, Joey Saputo a parlé avec Jérémy Filosa, puis il a parlé de changements majeurs et qui plairont pas aux partisans. Et tout indique qu'il visait Ignacio Piatti. Et écoute, toi, t'aimes-tu un joueur à 6 millions ou trois joueurs à 2 millions? Moi, j'ai été, premièrement, très surpris de voir que l'Impact avait la 7e plus grosse masse salariale de la MLS. Je pensais vraiment qu'on était en fond de peloton là-dessus, là. Qu'on tirait de l'arrière par rapport aux autres équipes. Moi, ce que je constate, c'est que depuis quelques années, puis comme tu le dis, là, je couvre plus l'Impact, là, ça doit faire 4 ans que je n'ai pas couvert l'Impact. Là. Je le regarde vraiment là de très loin. La MLS, malheureusement, je trouve que c'est pas le meilleur produit qu'on a pour un fan casual de soccer. Là. Je vais m'attirer une volée de bois vert en disant ça, mais quand même, j'aime l'Impact. Quand l'Impact joue des gros matchs, j'embarque moi aussi, je me laisse entraîner. Ceci dit, j'étais sous l'impression que l'Impact ne dépensait pas assez pour se retrouver parmi les meilleurs de la Ligue. Alors, ce que les chiffres dévoilés au début du mois de mai nous disent, c'est que c'est pas vrai. Alors, on dépense pas comme faux chez l'Impact. Là, quant à savoir si c'est mieux d'avoir un joueur à 6 millions ou 3 à 2 millions, c'est parce qu'il faut que tes trois joueurs à 2 millions t'en donnent autant que ton gars à 6 millions. Puis le gars à 6 millions, il en donne en tabarouette. Ben oui, puis il vend des billets. Ignacio Piatti, c'est de loin le meilleur joueur de l'Impact. Et comme tu dis, il vend des billets, il vend des chandails. Là, si tu perds Piatti, il faut que tu aies d'autres choses pour le remplacer. Là. Et ça, ces dernières années, un peu comme on le fait avec le Canadien, je peux pas dire que ils ont l'équipe de dépistage de l'Impact, c'est une très bonne note à ce niveau-là. Oui, effectivement. Puis je lisais hier qu'il était critiqué à Bologne également. Fred, on se reparle, très très intéressant. Donc on invite les gens à lire tes articles sur la plupart des sites internet, RDS également. Vous pouvez voir ça un peu partout. Là. Et aussi à écouter l'émission Patching Grace. Je vous invite à télécharger cette émission-là. Très, très, très intéressant avec Frédéric Daigle, évidemment, Jérémy Filosa, Tony Marinaro, qui est très bon et très drôle aussi, et Jonathan Gay. Ben, merci beaucoup. Merci pour la pub. Les columnistes, à chaque semaine, on a beaucoup de plaisir à faire ça, effectivement. OK. Frédéric Daigle de la presse canadienne.